J'accuse. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable. Le 26 avril prochain. En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose. C'était à la une. Paris Soir, 16 mai 1935. Moscou. Mais où est la révolution? De notre envoyé spécial, Antoine de Saint-Exupéry. Moscou, 15 mai, par téléphone. Installé dans le train de Moscou, j'essaie de lire le paysage dans la nuit. Voici donc le pays dont on ne peut parler sans soulever les passions. Et dont, à cause de ces passions mêmes, et bien que l'URSS soit si proche de nous, on ne sait rien. On connaît mieux la Chine. On sait mieux de quel point de vue juger la Chine. On ne se contredit guère sur la Chine. Mais si l'on veut juger l'URSS, on passe selon le point de vue de l'admiration à l'hostilité. Selon que l'on place au premier rang la création de l'homme ou le respect de l'individu. Et cependant, aucun problème ne m'a encore été posé. Et ce pays, c'est un douanier aimable qui me l'a ouvert. C'est un orchestre de tziganes. Et c'est, dans le wagon-restaurant, le plus stylé, le plus authentique des maîtres d'hôtel. C'est le matin, et la fièvre légère de l'arrivée règne déjà dans le wagon. La terre qui s'écoule se charge déjà de maisons, et ces maisons se multiplient et se resserrent. Un système de routes s'organise et se centre. Quelque chose se noue dans le paysage. C'est Moscou, installé au cœur de ses éclaboussures. Le train vire et la ville nous est présentée d'un seul coup, tout entière, comme un bloc. Et je compte au-dessus de Moscou 71 avions qui s'entraînent. Et ainsi la première image que je reçois est celle d'une énorme ruche en pleine vitalité sous l'essaim des abeilles. Georges Kessel est à la gare. Il appelle un porteur. Et ce monde continue à se déshabiller de ses fantômes. Ce porteur est semblable à tous les porteurs. Il installe mes valises dans un taxi et je regarde autour de moi avant de monter. Je ne vois rien qu'une place large où des camions sonores roulent sur un beau macadam. Je vois des trams en chapelet comme à Marseille et j'aperçois, inattendu et provincial, une marchande de glace ambulante qu'entourent des soldats et des enfants. Ainsi je découvre peu à peu combien j'ai été naïf d'avoir cru à des contes. J'ai suivi une fausse piste. J'ai attendu des signes mystérieux qui ne pouvaient m'être donnés. Et j'ai cherché, comme un enfant, les traces d'une révolution dans l'attitude d'un portier et dans l'ordonnance d'une vitrine. En 2 heures de promenade, on liquide ces illusions-là. Ce n'est point ici qu'il faut chercher. Dans le domaine de la vie courante, je ne m'étonnerai plus de rien. Ni de ces jeunes filles qui nous répondront « Il n'est pas convenable qu'une jeune fille de Moscou se rende seule dans un bar. » Ou encore « À Moscou, on baise la main, mais on ne le fait pas bien dans tous les milieux. » Je ne m'étonnerai pas non plus lorsque des amis russes décommanderont un déjeuner parce que leur cuisinière leur a demandé l'autorisation de rendre visite à sa mère souffrante. Je découvre à mes propres erreurs combien l'on a cherché à défigurer l'expérience russe. C'est ailleurs qu'il faut chercher l'URSS. C'est ailleurs que l'on découvre combien profondément ce sol a été labouré et retourné par la Révolution. Quoique ce soit toujours le paveur qui pave les rues et le directeur de l'usine qui commande l'usine et non le soutier. Et s'il me faut encore attendre un jour ou deux pour découvrir Moscou, je ne puis pas m'en étonner. Moscou ne pouvait pas se révéler sur le quai de la gare. Une ville ne délègue pas d'ambassadeurs aux voyageurs. Seuls les présidents de la République trouvent une petite Alsacienne, toute prête, toute déguisée, sur le quai d'arrivée. Et les présidents de la République embrassent la petite Alsacienne et découvrent l'âme de la ville. Et ils ne manquent pas de s'en réjouir dans un discours inattendu, en pressant la petite fille contre leur cœur.